Résurrection par Paul Bourget. Chapitre 1er. Lentement, tristement, Élisabeth de Fresnes avait gravi la pente de la colline, boisée et close d'un mur, qui servait de parc à sa villa. Elle s'était assise à même le roc sur la terrasse, ménagée là, en des jours plus heureux, et d'où ses yeux pouvaient voir l'un des plus vastes paysages de mer et de montagne qui soient en Provence, si beau qu'il a valu à cette partie des environs de hier le surnom de Côte Belle. À ses pieds, les cimes inégales des pins d'Alep verdoyaient, frissonnaient sous la brise venue du golfe, qui lui-même bleuissait plus loin, fermé d'un côté par les deux longues et minces chaussées de la presqu'île de Gien, de l'autre par la pointe fortifiée de Brégançon. L'île de Porquerolles et ses rochers dentelés, celle de Porquerolles et sa vigie, celle du Levant et ses landes nues, barraient là-bas l'horizon. À la gauche de la jeune femme, s'étendait la sombre chaîne des morts, au bas de laquelle hier elle-même étageait ses maisons blanches. Et le radieux soleil enveloppait d'une gloire cette forêt, ses flots, ses îles, ses collines, ses façades lointaines. Un divin soleil de la fin de mars, qui plus près caressait la villa peinte en rose et les allées du jardin attenant au parc, avec leurs mimosas fleuris, leurs bordures d'iris violets, d'œillets blancs et rouges, leurs massifs de roses pâles et de larges anémones. Dans le petit bois de pin, des bruyères, hautes comme des arbres, remuaient au vent de mer leurs grappes d'un blanc très doux, les lauriers teints leurs bouquets d'un blanc très clair. Cette brise roulait, avec cet arôme marin, la senteur mêlée de ses résines et de ses corolles, celle aussi des plantes sauvages, des romarins et des cistes. De ci, de là, les formes des végétaux exotiques s'apercevaient confusément. Les larges palmes des dattiers, les poignards tordus des agaves, les barbes aiguës des yuccas. Et cette adorable vision d'un printemps presque oriental s'achevait, s'enchantait, s'ennoblissait, d'un charme plus pur encore par le tintement pieux d'une cloche de chapelle. Cette voix de la petite église qui domine toute cette contrée et s'appelle du beau nom de Notre-Dame de Consolation s'épandait dans cet air lumineux, balsamique et tiède, par frêles vibrations argentines. Elle annonçait que cette glorieuse matinée de printemps était aussi la matinée de Pâques, et cette fête de la résurrection s'harmonisait si bien avec l'universelle joie de vivre, partout éparse, que cette merveilleuse nature semblait, elle aussi, par ce soleil, par cette mer, par ces fleurs, proclamer le triomphe de l'amour qui a vaincu la mort.